Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. L'avenir politique de membres du parti Prona qui s'était coalisé avec le député Agathon Louassa se trouve dans ce même parti. Vous aurez les explications de Tassien Siboma, un homme politique de la coalition Amizero Yabarundi. Et le commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR appelle les contribuables de la mairie de Bujumbura à verser les impôts locatifs dans les délais. Audace Niyonzima promet l'ouverture des bureaux d'accueil dans les trois communes de la mairie pour faciliter cette tâche. Et le nombre d'enfants en situation de rue augmente dans la capitale politique de Gitega. Certains d'entre eux affirment être revenus toujours à cause des conditions de vie difficiles. Et l'inclusion financière devient progressivement une réalité chez la femme rurale en Provence Muyinga, comme en témoignent certaines femmes membres d'organisations d'épargne et de crédit dans cette province. Et le championnat national de football en première division se poursuit avec la formation Aigle Noir de Makamba qui vient toujours en tête du classement provisoire. Et en basketball, l'équipe Dynamo prépare la célébration du 50e anniversaire de son existence. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. L'avenir politique des politiciens qui furent membres du parti UPRONA se trouve dans ce même parti sur respect du procès rendu par la justice en 2012 en ce qui concerne la mise en place des organes dirigeants. D'après Tassien Sibomana, homme politique de la coalition Amizero Yabarundi, les activités de la dite coalition vont se poursuivre jusqu'aux élections de 2020, même si le président de cette organisation politique vient de voir son parti agréé. Selon lui, les partisans d'Agathon Rwasa, ces gens dans les institutions, ils sont sous l'étiquette de la coalition et non celle du nouveau parti récemment agréé. Suivez plutôt Tassien Sibomana. Amizero existe jusqu'à de nouvelles élections parce que ceux des militants d'Amizero qui siègent dans les institutions ne sont pas là au titre de nouveau parti. Il faut que les gens le comprennent, c'est ainsi, la coalition Amizero, etc. Alors, quel est notre sort? Je vous ai dit que le sort politique, nous l'avons d'abord comme Burundais. Vous dites que la coalition continue, mais aujourd'hui, Agathon Rwasa a un parti politique. Est-ce que vous allez agréer au parti politique de Rwasa ou bien vous avez un autre chemin que vous allez tracer vu que les prochaines séances électorales approchent? Il faut d'abord deux précisions. Nous n'avions jamais fait une fusion de l'UPRONA, de l'opposition et de FNL d'Agathon Rwasa. Je vous ai dit que nous avions constitué une liste d'indépendants suite aux problèmes que nos partis respectifs ont connus. Deux, notre raison qui nous a poussé à constituer cette liste, c'est que nous avons voulu et nous voulons encore constituer une alternative face au système qui gouverne le Burundi aujourd'hui. Et sur cela, nous sommes toujours avec Rwasa. Nous avons des arrêts rendus en 2012 et qui annulaient les congrès communaux, les congrès provinciaux et le congrès national qui ont été organisés en violation des statuts. La question alors qui va se poser aujourd'hui, c'est que le système en place assume sa responsabilité pour dire je ne permets plus jamais à l'UPRONA de s'organiser conformément aux arrêts rendus par la Cour suprême. 2009, avec les procès qui avaient été prononcés en 2012, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu des changements qui aujourd'hui feraient que retourner si ces procès qui avaient été jugés seraient absurdes? Ça, ce n'est pas ni aux journalistes ni aux institutions en place d'apprécier comment l'UPRONA s'organise. Il faut plutôt le laisser s'organiser. Et le laisser s'organiser suppose donner la liberté au comité central de 2009 qui va se réunir conformément aux arrêts rendus par la Cour suprême et au statut du parti UPRONA. Et c'est cet organe qui gère le parti entre deux congrès qui va donner les orientations. Selon vous, l'avenir des politiciens qui fuient membres du parti UPRONA se trouve toujours dans l'UPRONA, mais initié selon les clauses de la justice? Absolument. C'est ce que nous allons poser. Tassien Sibomana, politicien, membre de la coalition Amizero Yabarundi, il était au micro de Charles Makoto. Le commissaire général de l'Office burundais des recettes lance un appel aux contribuables de la mairie de Bujumbura de verser les impôts locatifs, exercice 2018, dans les délais prescrits par la loi. Audace Niyonzima l'a dit ce lundi lors de la réunion avec l'administratif en mairie de Bujumbura. Ces derniers sont appelés à sensibiliser la population pour qu'elle puisse s'acquitter de ce devoir. Avant la fin du mois de mars, le commissaire de l'OBR promet l'ouverture des bureaux d'accueil dans les trois communes de la mairie de Bujumbura pour faciliter cette tâche. Suivez Audace Niyonzima, c'est le commissaire général de l'OBR. Au cours de cette réunion, nous espérons que les administratifs seront sensibilisés pour appuyer les agents de l'OBR qui seront sur le terrain pour collecter ces impôts. Nous sollicitons l'appui de l'administration locale pour expliquer aux contribuables qui vont payer ces impôts d'éviter des arriérés et de payer les impôts, de déclarer d'abord tous les impôts et de les payer à temps. Parce que si ces impôts et taxes ne sont pas payés dans les délais prévus par la loi, après le paiement est accompagné par des pénalités de 50%, ce qui devient lourd pour le contribuable. Donc, nous prenons toutes les dispositions pour que tous les contribuables soient informés qu'ils n'ont pas le droit de dépasser les délais du 31 mars. Les taxes et les impôts qui sont collectés par l'OBR sont des taxes et des impôts qui sont prévus par la loi. Donc, l'OBR ne collecte pas des impôts qui ne sont pas prescrits dans la loi. Donc, ceux qui bénéficient des exonérations ou alors des maisons qui n'ont pas été habitées l'année passée. Donc, ceux-là ne sont pas concernés. S'ils sont exonérés ou s'ils n'ont pas été loués au cours de l'année 2018 ou s'ils ont eu d'autres difficultés, ils pourront les exposer. Et c'est pour cela qu'il y aura les agents de l'OBR avec l'administration locale et chacun sera traité selon ce qui est prévu par la loi. Donc, l'OBR ne va pas collecter les impôts et taxes qui ne sont pas prévus par la loi ou qui n'ont pas été collectés par le contribuable. Audas Nyonzima, c'est le commissaire général de l'OBR. Ses propos ont été recueillis par Évariste Nzikobanyanga. Nouvelle de Provence à présent, le maïs a été attaqué par des insectes ravageurs en phase de floraison où les chenilles foreuses s'alimentent aux dépens du maïs. Les agriculteurs craignent une baisse du rendement et là nous sommes en Provence Makamba. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage dans cette province, Anselme Sindayebura, affirme que les produits phytosanitaires sont actuellement disponibles au stock et invite ceux qui en ont besoin de venir les acheter. Correspondance de Jérôme Hakizimana. Cette maladie qui attaque les maïs étant dans leur phase de floraison se manifeste par les insectes ravageurs en forme larvaire qui s'alimentent aux dépens du maïs, souvent dans les capsules et les capitules de fleurs. Ces chenilles creusent des galeries aussi à la base de la feuille et la tige creusée devient cassante, d'où le risque d'overse ou de dessèchement de ces plantes de maïs qui pourra être à l'origine de la baisse du rendement de la culture du maïs, comme le disent certains des agriculteurs de la commune Kibago. Suite au manque de médicaments appropriés à cette gade ravagère du maïs, ces agriculteurs disent qu'ils ont fait recours aux méthodes locales enseignées par l'autorité locale administrative et agricole. Boussago Jean Bosco, agriculteur, aussi chef de la colline Jimbi, demande aux habiletés de l'agriculture et l'élevage d'être proches aux agriculteurs, surtout en cas de pareille maladie, en les indiquant même où ils peuvent acheter les médicaments de certaines maladies des plantes, voire le dosage de purification. Il demande aussi aux agriculteurs de toujours informer aux agents administratifs à la base chaque fois qu'ils constatent le changement dans leur culture. La direction provinciale de l'environnement, l'agriculture et l'élevage à Makamba, Anselme Sindayebura, qui en est le directeur, dit qu'il reconnaît cette maladie et ajoute qu'il s'aggrave pendant les moments du soleil. Il fait savoir aux agriculteurs que les médicaments adéquats de cette maladie sont actuellement disponibles au stock et invite ceux qui en ont besoin de ne pas manquer de venir les acheter. C'est au moment où, auparavant, il se rabattait à Gitega à la recherche de ces médicaments. Jérôme Akizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Cap maintenant sur Muyinga. L'inclusion financière devient progressivement une réalité chez la femme rurale dans cette province de Muyinga, comme en témoignent certaines femmes membres d'organisations d'épargne et de crédit dans cette province. Le conseiller économique du gouverneur de cette province invite les femmes en groupement d'épargne à toujours solliciter l'appui des animateurs assermentés en la matière pour la pérennité de ces organisations. Dieudonné Zeiman. Sur la colline Kigama, en commune Muyinga, nous rencontrons des femmes membres d'organisations d'épargne et crédit communautaire dites CIRC. Cette femme nous explique leur système de contribution à base d'action. Chaque membre paye entre 500 et 2500 francs. Ça dépend de la capacité de chacun. En fait, ce sont des actions. Quand on a beaucoup, on contribue beaucoup pour qu'enfin on puisse avoir beaucoup de dividendes en termes d'intérêt. Sa voisine parle davantage en termes d'aide en cas de maladie. Les associés, avec leurs petits emprunts, ont pu s'acheter des animaux domestiques, chèvres, lapins, vache. Le cirque a permis l'inclusion financière et l'autonomisation de la femme, témoigne le conseil économique du gouverneur de la province Muyinga, Jumaine Badende. Ah, vraiment, c'est qu'il y ait une certaine promotion du genre, dis-moi que les premiers membres, dans le premier moment, on voyait que les membres qui adhéraient d'une façon très rapide, c'était en grande partie les femmes. Et petit à petit, ils ont amené aussi leurs maris, leurs époux, à adhérer à ces cirques. Et petit à petit, on a vu qu'il y a une inclusion financière au sein du ménage. Et c'est ce qui ont fait que le ménage puisse franchir une autre étape au niveau du développement. Parce qu'ils pouvaient s'acquérir, par exemple, des animaux d'élevage. Les associations dites cirques ont pour la plupart été initiées et encadrées par des animateurs de groupes appuyés par l'organisation CERES via le programme Mamashiga. Vers la fin du projet, les animateurs sont en cours de certification pour qu'ils puissent continuer à encadrer les cirques en tant qu'indépendant. Do Kigama, en commune Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana, toujours dans les nouvelles de Provence. Les habitants de la colline Garoazi, tout près du chef-lieu de la commune Manda, ont passé cette nuit dans une peur panique suite au coup de feu et explosion de grenades entendu dans cette localité. C'était vers 21h. Des sources policières indiquent qu'il s'agissait des malfaiteurs qui ont tiré sur les locaux du commissariat de police de Manda sans faire de dégâts. Selon le porte-parole agent de la police, cette attaque était consécutive à une arrestation de deux personnes sur la colline Rugenge de la même commune, accusées de n'avoir pas dénoncé un malfaiteur armé qui était passé dans cette localité. Les témoins sur place à Manda disent que ceux qui ont tiré avaient l'intention de libérer les deux personnes. Et il s'observe actuellement en province Bouvanza une rupture de stock de vivres des cantines scolaires fournies par le programme alimentaire mondial PAM. Les parents voudraient bien que ce projet puisse continuer étant donné qu'il avait donné de bons résultats au niveau de la réduction du taux d'abandon. À la direction provinciale de l'enseignement, l'on demande aux élèves de patienter, promettant que ces vivres vont bientôt leur parvenir malgré ce retard. Du sport maintenant, la formation Aigle Noir de Makamba vient toujours en tête du classement provisoire avec 58 points malgré le match nul avec Flambeau de l'Est lors de la 24e journée du championnat national de football en première division. Messager Bujumbura occupe toujours la dernière position avec 20 points. Au basketball, les équipes de New Star, Dynamo, Urunani et Gymkhana ont validé leur ticket pour la demi-finale dans le tournoi dédié à la célébration du 50e anniversaire de l'existence de l'équipe Dynamo. L'actualité sportive de la semaine avec Jean-Marie Vianney, Gendakouman. La formation de basketball Dynamo a organisé ce week-end le tournoi qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de ce jubilé d'or. Samedi, New Look Team a été battu 71 points à 45 points par Urunani. Ce dimanche, des matchs ont été joués. Gymkhana a battu Target Nhamenwa Dongozi sur le score de 76 points à 69 points. La formation Imbea Dogitega s'est inclinée 72 points à 42 points face à la formation New Star. Selon Lukundo Jodassé, président de Dynamo, durant cette période de 50 ans, Dynamo a pu former beaucoup de basketteurs professionnels. Le club vient de passer 50 ans au service de l'encadrement de la jeunesse, un travail accompli avec succès et que nous, on essaie de continuer à accomplir. Ce dernier ajoute que parmi les priorités du club, c'est la construction d'un terrain moderne. Dans les projets d'avenir, on aimerait construire un terrain d'entraînement qui a un niveau moderne, mais aussi on aimerait participer au projet de l'association de Bujumbura pour construire un stade de basketball qui se veut d'un niveau international. Le championnat national de la première division était à sa 24e journée ce week-end. Samedi, Vitalo FC a battu Messager Bujumbura 3-0. Gilbert Kanyenkore alias Yaoundé, l'entraîneur de Vitalo, précise que cette victoire donne l'espoir de terminer le championnat dans les premières places. Nous avons un objectif à atteindre. Il ne faut pas quitter cette place et nous sommes en train de le faire avec ambition et tout qui nous soutiennent d'arriver à être ne fût-ce que deuxième au classement ou garder la troisième place. Les autres matchs qui ont été livrés, Ngozi Ainsi, City a égalisé avec Musongati FC le score vierge au stade Urukundo. Le match qui a opposé Aigle Noir des Fighters et Flambeau de l'Est s'est soldé sur l'égalisation de score vierge de 0 partout. Ce dimanche, la formation Lydia Aldik et Burundi Sport for Africa s'est inclinée 3-1 face à l'Elière. L'équipe policière d'Orukinzo a battu 3-0 Buja City. Aigle Noir des Fighters vient toujours en tête du classement provisoire avec 58 points. Messager Bujumbura occupe toujours la dernière position avec 20 points. Isanganiro, la radio de l'avenir. Et pour boucler l'actualité nationale, le nombre d'enfants en situation de rue augmente dans la capitale politique de Gitega. Certains d'entre eux affirment être revenus toujours à cause des conditions de vie difficiles. Le ministre des Droits de l'Homme a relevé le même constat dans la ville de Bujumbura lors du Conseil des ministres qui s'est tenu la semaine dernière. Ce conseil a demandé la collaboration de la police pour empêcher à ces enfants de monter à bord des camions qui vont dans les villes. Oban Niyongur. Il est 9h. On est devant un des restaurants sur la 2e avenue dans le quartier Swahili de la ville de Gitega. Une dizaine d'enfants de la rue approchent les véhicules des passants pour mendier. Ils ont un âge compris entre 8 et 13 ans. Chacun a son histoire. Frank Nyokwizera a 12 ans. Il est originaire de Karusi. Il avait été renvoyé dans sa province natale, mais n'a fait que 3 jours pour regagner la capitale politique de Gitega. Il dit avoir monté à bord d'un camion sans même informer le chauffeur. Phénomène dit Dunyuri. Je suis venu à bord d'un camion. Je suis originaire de la province Karusi à Buhiga. Ma mère m'a jeté dans la toilette quand j'étais tout petit. Elle a été emprisonnée. Libérée, elle m'a abandonné dans la rue. Les parents de Cédric Bigirimana se sont séparés. Ce gamin de 10 ans vit aussi dans la rue. Pendant la nuit, il arrange l'affaire avec les veilleurs pour s'endormir. Lui aussi avait été rapatrié dans sa famille au mois de mai dernier. Jackson Chikaneza habite chez sa grand-mère. Il a abandonné l'école alors qu'il était en 4e année primaire. Ses parents se sont aussi séparés. Lui et sa grand-mère vivent dans la mendicité. Lors du conseil des ministres qui s'est tenu la semaine dernière, le ministre des Droits de l'Homme et des Affaires Sociales a indiqué que ce phénomène des enfants de la rue redevient grandissant même dans la ville de Bujumbura. Ce conseil a réitéré la collaboration de la police pour lutter contre ce phénomène. Prosper Naourguamiye est le porte-parole du gouvernement. Le ministre des Droits de la Personne Humaine, il a en outre parlé du phénomène des enfants de la rue qui réapparaît et a demandé la collaboration des services de la police pour un contrôle routier plus rigoureux, car la plupart des enfants viennent de l'intérieur du pays étant accrochés à l'arrière des camions. À part ce phénomène des enfants de la rue, il y a aussi pas mal d'adultes qui vivent dans la mendicité et qui sillonnent toujours dans les rues. Certains avaient été renvoyés sur leurs collines, mais n'ont pas tardé à regagner les villes. Merci Aubin Niyongoro. Et en actualité sous-régionale, pour boucler ce journal, en République démocratique du Congo, on rapporte la mort de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga et compagnon de Lumumba, une information confirmée par les autorités. Premier ministre de Joseph Kabila entre 2006 et 2008, moment de l'alliance entre le parti majoritaire PPRD et le PALU. Il avait aussi été vice-premier ministre entre 1960 et 1961. Figure historique du parti lumumbiste unifié, compagnon du tout premier chef du gouvernement de la RDC, Antoine Gizenga, s'est éteint à l'âge de 93 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi. Isanganiro.